Radio Mont-Blanc, l'agenda. On part, eh bien, à Taninges pour les premières bourses au ski. Ce sera ce week-end, les 4 et 5 octobre, au gymnase de Taninges. Une bourse à ne pas manquer avec du matériel de qualité pour débutants et compétiteurs aguerris, enfants et adultes. Vous pourrez également bénéficier de conseils personnalisés donnés par des professionnels. Le dépôt des skis, c'est à partir de 7h30 le samedi 4. Et la vente débutera à partir de 9h jusqu'à 18h pour le samedi et jusqu'à 15h pour le dimanche. Et c'est également pendant cette bourse qu'on lieu les inscriptions au ski club nordique de Pradly-Saumont. On file sinon à Salanches ce week-end également pour plonger dans l'univers des Vikings au château des Rubins lors de l'événement Odin au Rubin. Au programme, démonstration de combat lancé de hache, présentation d'armes vikings et même un atelier tatouage. Et puis samedi soir, 20h30, place à un concert de musique celtique. Et Radio Mont-Blanc est ravi de vous offrir vos entrées pour l'un des deux jours de ce week-end spécial Vikings au château des Rubins. C'est tout simple, vous envoyez Viking sur le WhatsApp au 04 50 58 24 47. Et puis sinon, je vous emmène à Albertville pour la foire d'automne qui est de retour ce week-end. Elle prendra place au cœur de la ville, sur le cours de l'Hôtel de Ville, l'avenue des Chasseurs Alpins, de 8h à 18h. Et sur place, vous retrouverez 70 exposants. Le square Soutira accueillera des animations pour les enfants où ils pourront se faire maquiller, participer à des animations sur le thème de la nature ou encore monter à dos de poney. Et cette année, le repas convivial mettra à l'honneur la gastronomie italienne. Et le petit bonus, il y aura une démonstration de fabrication et dégustation évidemment de pesto à 14h sur le parking du tribunal.